Analyse du 17 août 2021 par mon binôme Mauve Berger sur VK. Trump et le voyage dans le temps. Vous êtes-vous déjà demandé comment il est possible que Trump arrive toujours à déjouer les plans de la cabale et les dizaines de tentatives d'assassinat dont il a été victime? Et pourquoi Trump a toujours un coup d'avance sur ses adversaires? Et pourquoi Trump et son équipe paraissent toujours aussi certains du déroulement des événements futurs? En effet, depuis quelques mois, ils ont répété ces phrases « The best is yet to come »,« Le meilleur est à venir » ou « Nothing can stop what is coming »,« Rien ne peut arrêter ce qui vient » ou encore « Trust the plan », »,« Faites confiance au plan ». Mais d'où leur vient cette certitude inébranlable alors que tout semble aller au plus mal? Maintenant, il va falloir ouvrir votre esprit, larguer vos idées préconçues, vos certitudes. Restez aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, car en cherchant, je suis tombée sur plusieurs documents troublants qui m'incitent à penser que Trump et son équipe ont bien accès au voyage dans le temps, et peut-être même à deux types de voyages dans le temps, un physiquement et l'autre virtuellement, par l'intermédiaire d'un super ordinateur. Point numéro 1. Les deux livres écrits par Ingersoll Lockwood, fin des années 1800, qui relatent des événements qui paraissent directement inspirés par une connaissance du futur. Voilà ce qu'on dit sur Internet. Il était une fois le merveilleux voyage sous terre de Baron Trump. Baron Trump's Marvelous Underground Journey en anglais. Si ce n'est pas Jules Verne qui a rédigé ces aventures extraordinaires, c'est à la même époque, en 1893, que ce conte écrit par l'Américain Ingersoll Lockwood est publié. Il narre le voyage d'un petit garçon, Baron Trump, qui quitte son château pour la Russie aux côtés de son mentor, Don, dénommé le maître de tous les maîtres. Il découvre dans ce pays des portails pour voyager dans le temps. Cette sorte de conte merveilleux et initiatique pour grands enfants n'apparaît pas si anodin que ça pour certains observateurs. Baron Trump et Don ne pourraient-ils pas être tout simplement Baron Trump et son père, Donald Trump, le président des États-Unis? Pour les adeptes de la théorie du complot, il est difficile de penser que tout ceci n'est qu'une simple coïncidence. Sur le réseau social Reddit, les conspirationnistes sont convaincus que les Trump possèdent la technologie pour voyager dans le temps grâce à John Trump, l'oncle du président qui était ingénieur. Celui-ci serait bien concentré sur l'étude du temps. Fin de citation. 1900 ou le dernier président d'Ingersoll Lockwood est un roman surréaliste de 1896 où les Américains protestent contre un processus électoral corrompu, tandis que la ville natale du président, New York, craint l'effondrement de la République après la transition du pouvoir présidentiel. Si cela vous rappelle les attitudes après les victoires de Trump à la présidentielle de 2016, vous n'êtes pas le seul. En 2017, ce livre ainsi que les deux livres pour enfants de Lockwood, The Travels and Adventures of Little Baron Trump and His Wonderful Dog Burglar, 1890, et Baron Trump's Marvelous Underground Journey, 1893, ont attiré l'attention en raison de leur lien étrange avec le président Trump et sa famille. Ce livre prévoit-il que Donald Trump sera le dernier et 45e président de la République tel que nous la connaissons, puisque Trump a vraisemblablement rétabli la Constitution de 1776. S'agit-il d'une coïncidence bizarre ou d'une prophétie? C'est au lecteur d'en décider. Fin de citation. Point numéro 2. Nikola Tesla. Nikola Tesla faisait des recherches sur le voyage dans le temps et c'est l'oncle de Trump qui a été choisi par le FBI pour expertiser les travaux de Nikola Tesla après sa mort. Cela nous permet de supposer que Donald Trump lui-même a eu accès à certains des résultats des recherches de Tesla. Point numéro 3. Le projet Looking Glass. Trois militaires américains témoignent dans la vidéo Looking Glass Project et décrivent un ordinateur quantique permettant d'évaluer toutes les conséquences dans le futur du moindre changement effectué dans le cours des événements. Chose incroyable, ils expliquent qu'à partir de 2012, la date butoir qui figure sur le calendrier Maya, quels que soient les changements effectués dans le cours des choses, plus rien ne peut influencer le futur. Un seul futur, un seul événement, se met immanquablement en place. Le grand réveil de l'humanité, vers lequel tous les futurs engendrés par les changements convergent. D'où le slogan « Rien ne peut arrêter ce qui vient ». Nous mettrons en descriptif un nombre de vidéos et d'images qu'il faudra aller regarder. Il y aura deux vidéos qui traitent du projet Looking Glass. Le projet Looking Glass « From the Mouth of the Whistleblowers », projet Looking Glass de la bouche des dénonciateurs, et la deuxième « Military Insider », « They panicked where they saw the future ». Militaires initiés, ils ont paniqué quand ils ont vu le futur. Donald Trump a dit en 1980 « Pourquoi les voyageurs du temps continuent-ils d'essayer de me tuer ? Je ne suis qu'un agent immobilier ?» Réponse « Parce que les voyageurs du temps savaient que Trump deviendrait président et anéantirait l'état profond, le deep state. Alors je sais que certains me diront que ce ne sont que des coïncidences. » Peut-être, mais à partir d'un certain pourcentage de coïncidences, il est sage d'envisager une autre possibilité et d'entamer d'autres recherches pour confirmer ou infirmer ces coïncidences, n'est-ce pas ? Alors j'ai cherché. Et si on admet que Trump et ses coéquipiers ont eu accès au voyage dans le temps, qui leur ont permis d'anticiper tous les événements actuels pour organiser une destruction sans faille du Deep State, alors, cela a dû inévitablement créer des interférences temporelles. Et s'il y a eu des interférences temporelles, elles ont certainement eu des conséquences et ont perturbé le cours du temps. Logiquement, le cours des événements a dû subir quelques perturbations. Eh bien, je pense avoir trouvé ces perturbations. Cela s'appelle l'effet Mandela. Si vous allez voir sur Internet la définition d'effet Mandela, vous trouverez cette définition. Il s'agirait d'un faux souvenir collectif que des personnes qui ne se connaissent pas conservent en mémoire. Pardon ? Un faux souvenir ? Le même pour tout le monde ? Provoqué par on ne sait quoi ? Qui vient d'on ne sait où ? Que des personnes qui ne se connaissent pas et n'ont rien à voir les unes avec les autres ont en commun ? Mais je n'y crois pas une seconde. Si c'était le cas, ne pensez-vous pas que l'effet Mandela existerait depuis la nuit des temps ? Or, tout a commencé en 2005 et certains même disent en 2012. La première perturbation temporelle que j'ai trouvée. Nelson Mandela, et elle est sortie au grand jour lorsqu'une dénommée Fiona Broom assiste à une conférence où elle discute de la mort de Mandela avec d'autres participants et où elle se rend compte que le souvenir qu'elle en avait était faux. Avant cet événement, elle était persuadée que Nelson Mandela était mort en prison en 1980. Perturbée, elle en parle à ses connaissances et se rend compte que beaucoup de gens ont le même faux souvenir qu'elle sur la date de la mort de Mandela, c'est-à-dire 1980. Pourtant, dans notre réalité actuelle, l'homme politique est décédé le 5 décembre 2013 à Johannesburg. Or, moi aussi, je me souvenais de la mort de Mandela en prison. Pourtant, d'après Internet, c'est un faux souvenir que beaucoup de gens partagent. J'ai donc cherché et j'ai trouvé sur Internet un extrait du livre d'histoire où l'on mentionne que Mandela est mort en 1991. Alors, ajoutons à cela que certains se souviennent de sa mort en prison en 80, d'autres de sa mort en 2013, et nous avons donc trois dates différentes pour le même événement, comme si ces trois réalités avaient conjointement existé. On sent bien un cafouillage temporel, étrange, non? Petite parenthèse, j'ai refait la même recherche un peu plus tard, et bien l'info avait disparu. Dans ce même livre de la même édition de 1990, on ne parle plus de Mandela. Alors, intervention humaine ou bien rectification temporelle automatique, comme sur la photo de Marty dans Retour vers le futur, sur laquelle les personnages s'effacent. Et puis, dans mes recherches, plus tard, je suis tombée sur une enquête sous hypnose quantique dirigée par Mathieu Monade, dont le sujet est l'effet Mandela. Notez que leur conclusion à eux aussi est que Mandela est bien mort en prison. Je vous mettrai le lien aussi de l'enquête dans le descriptif, n'hésitez pas à aller voir et faire votre propre opinion. Ensuite, la seconde perturbation temporelle que j'ai trouvée concerne un autre décès, celui de Claude Brasseur. Il est décédé officiellement le 22 décembre 2020. Eh bien, quand j'ai entendu cette nouvelle, ça m'a étonnée parce que je me souvenais très bien m'être dit quelques mois plus tôt, maintenant que Claude Brasseur est mort, ils vont devoir trouver quelqu'un pour le remplacer s'ils font une suite au film Camping. Et devinez quoi? Quelques jours après, je me suis souvenu avoir regardé l'interview de Gérard Fauré qui fournissait de la drogue à Claude Brasseur. Durant cette interview, à 4 minutes 30, Simone Colline dit: Alors, il y a un autre Brasseur qui est mort assez récemment. Et Fauré enchaîne: Oh, Claude Brasseur. Or, cette interview date du 7 mars 2020. Regardez la date sur cette capture d'écran de la vidéo. Je vous la mettrai en descriptif. Donc, Claude Brasseur a été déclaré mort à la fois début et fin 2020. Mais les effets Mandela les plus connus sont les Village People et le film Shazam. Qui se souvient qu'ils étaient six? Dans le souvenir collectif, ils sont cinq. Shazam, le film dont tout le monde se souvient, mais qui n'a jamais existé dans les années 90. L'histoire dingue de Shazam. Imaginez un film dont de nombreuses personnes se souviennent un peu partout dans le monde, mais qui n'existe pas. Sur Internet, ils sont des centaines à assurer avoir vu Shazam dans les années 90. Nos confrères de Rue 89, qui ont déniché cette passionnante histoire, nous disent que c'est l'histoire d'un génie un peu bête qui exauçait les vœux de deux enfants. Le génie était joué par un comédien de stand-up nommé Sinbad, David Atkins, de son vrai nom. Mais Atkins a démenti en septembre dernier avoir jamais joué dans un tel long-métrage. Pourtant, chaque témoignage détaille le même scénario et la même jaquette distinctive, violette, avec de grosses lettres jaunes. J'ai l'impression qu'on vient de me voler une part de mon enfance. Comment un film peut-il se volatiliser de notre histoire? Écrit un internaute. Rue 89 avance qu'il pourrait s'agir de faux souvenirs contagieux, d'une confusion avec Kazam, où Shaquille O'Neal jouait un génie, ou encore de l'effet Mandela, un phénomène dans lequel un grand nombre de personnes partagent des souvenirs similaires d'événements qui ne se sont jamais produits. Alors, je pose la question. Ces bugs temporels des dernières années, et je suis certaine que beaucoup d'autres m'ont échappé, sont-ils en corrélation avec des voyages dans le temps effectués par certaines personnes? Moi, je pense que oui, mais que chacun se fasse sa propre opinion et fasse ses propres recherches. Je laisse tout ceci à votre réflexion éclairée. Where we go one, we go all. Où nous allons un, nous allons tous. Mauve Berger. Out of the tree of life, I just picked me a plum. You came along and everything started in to hum.